les mots d'amour. Ce sont des mots comme à demain, comme donne-moi encore la main. Tu as mal les mauvais jours, quand on s'est débattu pour rien. C'est je suis là, c'est tout va bien, une escale. Les mots d'amour, ce sont des mots comme s'en aller, comme je ne t'ai jamais aimé, un signal. C'est un voyage en Amérique, un hôtel insensé. C'est toi cherchant dans mes musiques une femme que j'ai aimée. C'est le froid glacé des banquises et chambres séparées. Un délire de leçons apprises d'années qu'on s'est volées. Les mots d'amour, ce sont des mots comme inquiétude, comme impatience, incertitude, défaillance. Les mots d'amour, ce sont des mots comme téléphone, des mots qu'on ne donne à personne, des silences. Et certains jours, ce sont des idées qui s'affrontent, des mots chiffrés qui font les comptes, des souffrances. C'est un voyage en Amérique, un hôtel insensé. C'est toi cherchant dans des banquises et chambres séparées. Un délire de leçons apprises d'années qu'on s'est volées. Séparés.